Désolé, c'est pas ce que vous croyez. Je peux tout vous expliquer. Bébé, Blanche Bailey, allez-y, pense. On dit que l'union fait la force. Toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Mais je frappe à la porte, je veux pas te lever. Bébé, c'est là, là, là, fais-moi ça là. Oh oui, c'est là, là, là, bébé, je veux le faire. Avec toi, je connais pas mon nom. Chérie, mon corps réclame ta main. Oh. J'ai dit que c'est ton pied, mon pion. Aujourd'hui, c'est donné ton nom. C'est Dieu qui t'a donné. Oh. Bébé, oh, oh, oh. Donne-moi un peu. Bébé, oh. Chaque fois qu'on est ensemble. Bébé, oh, oh. Tu me fais de l'effet, bébé. Bébé, oh. Nami, voilà pour ma macama, yon ami toi. Je t'aime sans me soucier de rien. Je t'aime sans calculatrice. Oh, j'ai cédé à toutes tes caprices. Et on a dit ne vole au balai pour moi nier. Je te demande, tu veux pas me donner. Ah bébé, oh, donne-moi un peu. Chérie, oh, juste un câlin. Oh, pourquoi tu te bébé, je suis prête. Mes sens se sont embrouillés. Ah bébé, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, bébé. Tu ne m'as dit rien à la forme. Ça m'a coûté un coup. Donne-moi, donne-moi, bébé. Bébé, juste un peu. J'ai passé les temps si je ne dors pas la nuit. J'ai le rame à ces temps si tu me fais pleurer. Tu me tournes la tête. Tournes la tête dans ma tête, c'est la fête. Tu me fais dormir seul. Tu ne veux plus me toucher. Ma vie, tu désinfectes ma vie. Oh. Et il t'aime, et toi, et si je te vois, bébé. Chérie, oh, moi, tu vas me donner. Mais si, oh, tu vas me donner. Un peu, il faut me donner. Moi, il me veut, tu vas me donner. Tu m'engages, j'ai dit que tu m'engages. J'ai dit que c'est les temps.